Surplus les chaussures, Billy. Quoi? Surplus les chaussures, ça fait un bail que t'es parti, t'es peut-être pas au courant, peut-être qu'on a oublié de te le dire, c'est fini, surplus les pompes. Relax, mec, putain, c'est pas vrai, je te casse un peu les couilles, mais c'est pas la mer à boire, on peut plus rigoler, nom de Dieu. Des fois, on a pas l'impression que tu rigoles, tu sais, et en plus, il y a du monde autour, je te sais. Tommy, je te fais marcher, on fait la fête parce que je viens de rentrer à la maison. T'es dans un film, la vie peut être plus courte qu'un court-métrage. Pour certains, longue comme une série TV. Argent, bonheur et bébé, nous on se résume à taffer. Pour deux petits billets violets, on peut se permettre de violer. Rouler en cabriolet, sans être appelé à l'ordre. Les bleus nous cassent la tête, parfois même jugés à tort. Donc t'étonne pas si le rap est hardcore. Combien sont battus à mort, combien se font torturer. Pour une manif, une vie cassée, ça fait le tour de la télé. Allez, arrêtez, arrêtez. Tu n'es pas mis sous scellé. Pot de 20 détournements, mais vous êtes bien assurés. Ne venez pas nous saouler. Non, je préfère boire la bière ou la vodka en soirée. Vous êtes tous des enfoirés, mais pas de ceux qui aident le peuple. L'argent avant la santé, l'intérêt avant d'aimer. Votre vie, un film, une trilogie, mais c'est pas sur DVD. Non, gros, c'est bien caché, comme ce foutu au cachot. On rêve juste de gros cachets pour ne plus en avaler. Merde. Allez, allez, tiens bon, tu vas t'en sortir. Allons, allons, te laisse pas aller, réagis. J'suis boycotté, à jamais. En route pour la lune, frérot, j'fais que fumer. La vie est courte, si tu savais. J'ai perdu du temps, cousin, trop galéré. Trop michto cette life, mais je dis fuck fuck. J'suis l'esclave de personne, sauf de ma clope clope. J'vois que t'es catin sans nom, tu prends des sop sop. Tu kiffes la top top, moi j'vise les ton ton. Demande à Finn, c'est le frère, c'est qui les boss boss. J'pars en vacances toute l'année quand toi tu boss boss. Ça fait 10 piges que ça rappe, donc faut que ça cogne cogne. Et j'apprécie si tu me dis que ça donne donne. L'esprit vicieux dont j'rock la pom pom. J'aime les gros culs, les pétas, star, les tom tom. Faut pas que tu sommes somme, tu prennes le sum sum. Il faut des sommes, nacha vos sun. On s'asseyait pour boire, le soleil sur les épaules, et on se sentait comme libre. On aurait pu goudronner le toit de nos propres maisons. Nous étions les seigneurs de la création. Quant à René, il passait sa pause accroupi à long, un étrange petit sourire à la bouche, en nous regardant siffler nos bières. Armes, crimes, argent, cocaïne, sang, larmes, cris, chevrotine. Gros cul bombé, elle suce bien la coquine. Elle est plus chaude quand elle est sous cocaïne. Quand tu parles yébi, le risque est gros calibre. Grosse canine, coup de cross calibre, fais la mécanique. Ton panique mystique et la technique, fumeur de weed chimique. Ton équipe est pathétique. Trahirait pour un paquet de fric. J'ai pas traité par les hauts schmicks. Coupage de langue, méthode drastique. Me parle pas quand je fume mon deux feuilles, oui régulière. Et la défense, l'attaque est la meilleure défense. L'amitié suit à la dépense. Connu de Montreuil à la défense. Le jour où le vice me relance, la peine, la prison, la sentence, tu la prendras à tes dépens. Mais putain, je m'attendais pas à un retour aussi explosif. Comme je disais, il y a des fois où c'était dingue dans le quartier. On savait jamais ce qui pouvait arriver, ni quand. J'en avais trop fait pour faire machine arrière. Et j'en avais trop fait pour continuer comme ça. Faut croire que les événements gagnent toujours le pas sur vous.